Allez, c'est parti. Micro ouvert. Je suis très contente d'avoir Nicolas Cazot ici en face de moi. On est dans les Pyrénées-Orientales et avec les trois chiens là, on a fait une belle balade. Et voilà, on te rencontre Nicolas. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Et l'idée, en fait, c'est de te rencontrer. T'es au taquet, j'ai envie de dire, sur tout ce qui touche à l'écologie. On peut dire ça comme ça. Tu casses le rêve aussi, hein. T'es bien un vrai emmerdeur. Chaque fois que tu diffuses des choses, des articles, c'est chaud, quoi. Hein. Alors, on va pas commencer à si les gens entendent Nicolas Cazot, qu'ils aillent faire une petite recherche. S'ils ne connaissent pas, tu expliques aussi d'où tu viens, d'où tu parles et tout ça. Donc moi, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi tu casses tout le temps comme ça? Moi, je pense pas que tu casses, hein, mais c'est une manière de rentrer dans le vif du sujet, quoi, voilà. Oui, effectivement, si certaines personnes ont cette impression-là, c'est malheureusement parce qu'elles croient en des choses qui ne sont pas possibles, n'existent pas ou sont incohérentes. Et c'est vrai que moi, je m'efforce depuis déjà quelques années de, effectivement, dans le domaine de l'écologie, mais au sens large, d'exposer des vérités qui sont trop peu connues, trop peu discutées, voire purement niées ou occultées. Et c'est malheureusement déplaisant pour beaucoup de gens qui s'accrochent à des rassurances, des mythes ou ce genre de choses et qui ont pas, on pourrait dire, le... En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité ou l'envie ou la motivation, la force morale suffisante pour affronter la réalité telle qu'elle est. Et les choses paraissent... parce que la réalité n'est pas très très jolie, à vrai dire. Et donc, il y a une propension à vouloir se rassurer, à vouloir... À pas vraiment avoir envie de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les choses en face. Et donc malheureusement, voilà, ça me fait un peu cette réputation de emmerdeur, de trop radical, de toutes sortes de choses qui divise le camp écologiste, ou je ne sais pas, il y a plein de petites idées comme ça qui sont absurdes. Bon, après, on pourrait en discuter, mais il faudrait examiner chacune de ces idées. Mais on regarde un peu l'ensemble de ces idées. Au fond, tu casses pas pour casser. Tu prends le temps de chercher, tu prends le temps de comprendre la situation aussi. C'est pas comme ça pour le plaisir, quoi. Tu bosses, en fait, derrière. Tu prends le temps, quoi, aussi. Et puis aussi, c'est souvent... des gens médiatiques, c'est des gens soi-disant qui ouvrent une porte à aider ou sauver l'écologie. Et au fait, derrière, c'est du business. Enfin, tu vois, ce serait bien de rentrer un peu... Je pense, par exemple, c'est parce que j'ai lu ça récemment, à Greta Thunberg, je pense à Extinction Rebellion. Tu vois, tout le monde a envie de dire... mais ce serait bien que tu... Enfin, moi, en tout cas, j'avais envie de prendre un petit temps pour dire « t'es pas le mec comme ça qui lâche les choses. » Non, tu prends le temps d'entrecouper les infos, de regarder un peu, quoi. Enfin, c'est possible de le faire, quoi. C'est possible de le faire, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a peu de gens qui sont prêts à consacrer vraiment beaucoup de temps, vraiment, à faire de l'enquête, comme dirait PMO. PMO qui est pièce et main d'œuvre. Mais le différent que j'ai, le problème, c'est que il y a une question fondamentale qui change un peu tout, qui détermine beaucoup de choses et qui est malheureusement trop peu souvent posée. Tu citais Greta Thunberg, Extinction Rebellion, tout ça, mais par rapport à ces gens-là, cette question, elle se pose aussi. Et c'est d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie, comment on définit en fait le problème, qu'est-ce qu'on considère, dans la situation présente, sociale et écologique, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, au final, c'est une question qui est très rarement posée ou de manière très superficielle. On va se contenter de quelques réponses un peu bateau. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. C'est qu'en fait, on, l'humanité, on émet trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça, c'est à peu près aujourd'hui, l'écologie médiatique se résume plus ou moins à ce seul problème, quoi, cette seule problématique. Il y a plus que ça qui est évoqué. C'est une réduction de l'écologie à vraiment à plus qu'une monoproblématique qui, en plus, est vraiment ne devrait pas être le cœur du sujet. Oui, mais elle n'est pas claire non plus, hein, ça veut rien dire. Enfin, tu vois, la crise, c'est ça, hein, la crise climatique. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, au fond? Oui, déjà on pourrait voir tout ce que ça implique, mais déjà je trouve ça, enfin, c'est déjà significatif de voir que l'écologie a été réduite à une question de gaz à effet de serre et un taux d'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc alors qu'avant l'écologie était beaucoup plus vaste, enfin genre ça englobait tout, ça pouvait englober le social, mais ça englobait du coup les problèmes, toutes les problématiques liées à la destruction de la nature, et ça passe limite, enfin presque au second plan aujourd'hui, voire ça disparaît totalement, la destruction de la nature, il reste plus que le carbone dans l'atmosphère. Et donc c'est assez grave comme évolution, c'est très mauvais pour l'écologie. Mais donc là on n'est que sur le plan d'écologie, mais du coup sur le plan social, on remarque que les groupes comme Extinction Rebellion ou les personnalités comme Greta Thunberg, sur le plan social, leur analyse elle est extrêmement faible. C'est des groupes ou c'est des gens qui n'ont pas grand chose à dire. Bon, parfois, ils vont critiquer le capitalisme de manière abstraite. On ne va pas trop savoir ce qu'ils désignent par là. On ne sait pas si... Et la plupart du temps, on a l'impression qu'au final, quand ils parlent du capitalisme, tout ce qu'ils disent, c'est que la finance, c'est pas terrible, ou il y a des gens qui gagnent trop d'argent, et il faudrait un peu mieux redistribuer les richesses. Mais il n'y a pas d'analyse poussée du capitalisme. Qu'est-ce que c'est, quand ça naît, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui constitue le capitalisme, et qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour qu'est-ce que ça implique en fait qu'est-ce qu'implique de lutter contre le capitalisme ou de sortir du capitalisme. C'est des questions qui sont jamais posées par ces gens-là quasiment, et donc on se retrouve dans tous les domaines avec des débats ou des réflexions extrêmement superficielles et qui n'aboutissent pas à grand-chose. Mais encore une fois, la question, donc, et tout ça, ça mène à la question de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut juste... est-ce qu'aujourd'hui, on veut... qu'est-ce qui nous importe? Pourquoi on lutte, en fait? Contre quoi on lutte? Pourquoi on lutte? Et définir ces choses avec un minimum de précision, ça semble être la base, un peu, pour une lutte. Enfin, pour une lutte digne de ce nom, quoi. On n'imagine pas une lutte qui se fait sur des idées... extrêmement abstraite, indéfinie, mal définie. Enfin, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce qu'on constate. Les gens savent pas trop, quoi. C'est peu clair. Et moi, une des principales choses sur lesquelles j'insiste beaucoup, c'est essayer de déterminer ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez... Parce que du coup, ça, on se retrouve avec des choses comme des sortes de contradictions incroyables, comme les mouvements comme Extinction Rebellion et les personnalités comme Greta Thunberg, encore une fois, pour les reprendre. D'un côté, des fois, donc, la plupart du temps, ils se concentrent juste sur le réchauffement climatique, le taux de carbone, etc. De temps en temps, la nature est aussi évoquée. On s'indigne, on veut arrêter. Il me semble que dans les quelques points que Extinction Rebellion souligne, il y a arrêter l'écocide ou quelque chose comme ça. Donc il y a la nature qui rentre en compte, ok. Sauf que de l'autre, il y a aussi un autre point qui est, il faut à tout prix éviter l'effondrement de la civilisation, il faut sauver l'avenir de la civilisation, en fait, il faut garantir que la civilisation industrielle va durer dans le temps. C'est pour ça que c'est une des principales raisons, c'est une des principales motivations des groupes comme Extinction Rebellion ou Greenpeace ou le WWF, c'est de garantir, en fait, de parvenir à une sorte de civilisation industrielle durable, d'où la promotion des technologies vertes et tout. Mais donc, ce qu'on devrait réaliser, c'est que d'un côté, il faut sauver la nature, et de l'autre, il faut sauver la civilisation industrielle, en fait. Et en fait, ça devrait être évident comme absurdité, parce que la civilisation industrielle, c'est ce qui est en train de détruire la nature. Donc, vous voulez à la fois sauver la nature et sauver ce qui détruit la nature. On ne peut pas tout avoir, en fait. On peut pas, et c'est pour ça, en fait, quand on part sur des aspirations aussi absurdes, c'est normal qu'après, on ait des politiques qui soient complètement absurdes, comme le soutien, la promotion des énergies vertes, des énergies prétendument vertes, renouvelables, propres ou décarbonées, ou des technologies dites vertes, que ça peut être les éoliennes, les panneaux solaires photovoltaïques, les voitures électriques, etc. C'est que on encourage toutes ces nouvelles industries qui impliquent davantage d'extraction minière, qui implique toutes les infrastructures industrielles de transport, tous les traitements, qui produisent. Il n'y a rien de vert là-dedans, il n'y a rien d'écologique là-dedans. Et du coup, on se retrouve à soutenir ça et à dire il faut arrêter de détruire la nature. Enfin, du coup, ça fait un peu quelque chose de schizophrénique, quoi. Ça donne l'impression, les gens qui réagissent à ce que tu dis en disant « Ah, elle est toujours occupée à casser et tout », qui ne connaissent pas non plus, qui ne cherchent pas à approfondir le sujet, parce que, oui, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Ça n'existe pas, en fait. On ne peut pas sauver la nature tout en continuant une industrie verte, mais tout ça, c'est de la pub aussi, en même temps. Cette industrie verte, ça n'existe pas, quoi. Oui. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui le pensent et... Eh ben, c'est vrai qu'il y a deux choses, il me semble. Que les énergies dites vertes, renouvelables, propres, tout ça, ne le soient pas vraiment. À la fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les énergies vertes sont vraiment vertes, enfin qu'il existe vraiment des industries de production d'énergie vertes, enfin des industries de production d'énergie qui sont écologiques, qui ne causent pas de dégâts à la planète, enfin qui ne nuisent pas à la nature. On a l'impression qu'il y a pas mal de gens qui y croient, mais ce qui est étonnant, c'est que quand on creuse, en fait c'est plus aussi clair quand on pose des questions aux gens, parce que c'est au final un sujet qui, quand même, depuis des années, a commencé à... Enfin, encore, il y a quelques décennies, j'ai l'impression qu'il y a quelques décennies, il y avait beaucoup de gens qui croyaient vraiment qu'il pouvait exister des industries de production d'énergie écologique. Mais depuis quelques années, une décennie ou deux, à cause, ou grâce, on va dire, à des gens comme Jean Covici ou à certains collapsologues comme Pablo Servigne à cause du développement massif de ces industries. On va dire il y a des centrales photovoltaïques qui ouvrent en France, qui sont construites en France chaque semaine, enfin il y en a énormément, il y a des parcs éoliens, etc. Donc au fur et à mesure que ces industries se sont développées, et peut-être aussi à cause de gens comme ou grâce à des gens comme Jean Covici et tout, on a l'impression que il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé à se rendre compte que c'était pas vraiment vert. Et d'ailleurs, moi, c'est un des points sur lequel j'ai attaqué Cyril Dion en lui disant tu fais la promotion dans ton film Demain, enfin dans tous tes ouvrages, dans tous tes films, tu fais la promotion de ces énergies, en disant de ces industries de production d'énergie, en disant qu'elles sont vertes, elles le sont pas. Et il a un peu amendé son discours sur le sujet. Maintenant, si on lui pose la question, enfin, il va dire que c'est pas vraiment vert, en fait. Et il y a ce truc, donc il y a cette chose, en fait, il y a pas mal de gens qui comprennent que c'est pas vraiment vert, mais qui vont quand même en faire la promotion. On sait que c'est pas vert, on sait que c'est pas écologique, mais on va quand même le promouvoir parce que c'est peut-être une sorte, on a quand même peut-être l'impression que c'est une sorte de moindre mal, tu vois, que ça pourrait être pire, tu vois. On pourrait faire pire, donc on pourrait faire pire, du coup, bon... C'est pas si grave de faire ça. C'est mauvais, mais voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette idée du moindre mal qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui finalement acceptent et se font même les promoteurs de ces énergies, de ces industries, de ces technologies prétendument vertes. Mais ils sont payés aussi pour, non ? Il y a aussi ça qu'il faut prendre en ligne de compte, quoi. Oui, alors évidemment, là je parlais plutôt de... Quand en disant ça, c'est vrai que je faisais pas particulièrement référence à des gens qui sont payés pour... C'est sûr que, enfin, Ouais, il faudrait distinguer les militants écologistes, on va dire de la base, qui sont payés par personne et qui sont juste voilà, qui ont leurs croyances et tout. Effectivement, il faut les distinguer eux de des dirigeants d'ONG ou des gens comme Cyril Lion qui en fait ont trouvé un filon, on va dire. Ont trouvé une carrière dans le fait de promouvoir ces choses-là et qui du coup peuvent enfin c'est devenu leur gagne-pain c'est comme ça qu'ils font donc ils vont continuer à dire ça à promouvoir ça parce qu'en fait c'est ce qui leur permet d'acquérir une certaine enfin de l'argent sous forme de subventions de salaires etc et aussi une certaine notoriété et Cyril Lion est devenu il passe à la télévision, il passe sur BFM, tout ça. Donc, et sachant que donc l'argent et la notoriété sont évidemment des choses qui sont recherchées malheureusement par beaucoup de gens, malgré toute l'impression de vertu qu'on leur prête parfois, c'est des gens qui non en fait sont comme les autres, ils sont attirés par le pognon et la célébrité. Et donc ça joue. Mais c'est malhonnête. Ça m'intéresserait, tu vois, de rencontrer Cyril Dion et de lui poser la question. Est-ce qu'il y croit vraiment, tu vois, parce qu'il y a vous rappelez, enfin, je dis vous parce que on peut pas dire, mais il y a quelqu'un là. Mais le film Demain, ça a cartonné, tu vois. Mais là, c'est vraiment donner l'illusion que tout ça est possible, hein, toutes ces énergies vertes et demain on va changer le monde et tu vois ça a vachement. Tu vois depuis demain il a changé son discours un petit peu. Encore une fois, par exemple dans son dernier film qui s'appelle Animal, il en fait il y a quasiment pas il me semble dans le film ou très peu il y a peut-être ça dure une seconde ou quelques secondes, c'est une phrase en passant. Il y a très peu de références aux énergies vertes ou aux énergies renouvelables. Le sujet est quasiment pas traité. Normal, il l'a déjà traité ailleurs, tu vois. Bah, c'est pas que ça. Je pense que tu vois. Et en fait, on le remarque parce que le film Animal, il y a pas beaucoup. Enfin, je pense que tout le monde ne sait pas que le film Animal, son dernier film qui vient de sortir à Cyril Lion, il est adapté à partir d'un livre. Animal, c'est aussi un livre qu'il a sorti. Du coup, le livre est plus complet, évidemment, parce que voilà, on met moins de choses dans un film que dans un livre. Et quand on regarde le livre Animal, on voit qu'il y a une partie dans laquelle il évoque le Costa Rica, qui est souvent un pays pris en exemple pour son caractère super écologique, en tout cas prétendument. Et il évoque le Costa Rica en parlant des énergies renouvelables, parce que le Costa Rica, une certaine partie de son énergie, en tout cas de son électricité, elle vient d'énergie prétendument verte ou renouvelable, notamment de barrages hydroélectriques. Et d'un côté, il dit ça en disant « Ouais, c'est super, voilà, ils ont une grande partie de leur électricité qui vient de barrages, c'est cool. » Et la phrase d'après, il dit « Sachant que les barrages, c'est pas écologique. » Donc, tu vois le truc, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as voulu dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est bien, mais c'est pas bien, c'est bien, pas bien. C'est étonnant, cette contradiction semble assumée. D'un côté, je dis, ah, c'est super, ils ont développé ça, mais en fait, ça, c'est pas écologique. Mais ça n'a pas l'air de poser problème, manifestement. Les gens aiment bien, et lui, ça n'a pas l'air de lui poser problème de d'écrire des choses aussi absurdes. Mais voilà, donc on a cette aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui encore une fois qui me semble de plus en plus significatif. C'est une sorte de schizophrénie, enfin une sorte de peut-être pas schizophrénie, c'est peut-être pas le bon mot, mais de vraies contradictions. En fait, on a des gens qui font la promotion de choses dont ils savent qu'elles ne sont pas vraiment les qualificatifs qu'ils emploient, elles sont pas vraiment vertes, elles sont pas vraiment renouvelables, elles sont pas vraiment, mais c'est pas grave quelque part, et il faut qu'on continue à produire de l'énergie, il faut, parce que bon, en fait, c'est la seule chose qu'ils sont capables d'envisager. Enfin, c'est genre, il faut que la civilisation industrielle continue, on ne peut pas envisager d'arrêter la production d'énergie industrielle. Enfin, on ne voudrait surtout pas revenir à la bougie, etc. S'habiller en peau de bête, ce serait n'importe quoi. Et donc, il faut continuer, il faut qu'on continue à détruire le monde. Et apparemment, c'est ça le plan. Mais toi, du coup, alors, tu verrais si tu pouvais, tu verrais les choses comment, alors, dans un monde, tu commencerais par quoi, tu dirais quoi, si tu avais quartier libre, là, pour qu'on comprenne un peu ta vision, en fait. Ouais, alors, bon, je sais pas si... Je vais répondre à ta question, mais pas exactement. En fait, déjà, pour en revenir à ce que je te disais, sur qu'est-ce qui m'importe, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on lutte, ou contre quoi et pourquoi, enfin, contre quoi, pourquoi. Moi, ce qui m'importe, c'est la défense de la nature et la liberté humaine, pour faire simple. Nature et liberté. En fait, c'était la nature et liberté, c'était les mots d'ordre, on va dire, du mouvement écologiste, du mouvement de l'écologie politique tel qu'il s'est développé dans les années 60, 70, 80. C'était comme ça que Bernard Charbonneau définissait l'écologie. Pour lui, l'écologie, c'était ces deux mots. L'écologie, c'était nature et liberté. Aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. Ce serait plutôt CO2 et éolienne, un truc comme ça, je sais pas. Mais donc voilà, nature et liberté, et donc une vraie défense de la nature, enfin un mouvement pour mettre fin à la destruction de la nature. Nous, on part du principe que un mouvement pour mettre fin à la destruction de la nature, il doit vraiment essayer de mettre fin à la destruction de la nature. Il peut pas dire bon bah on va faire ça, on va continuer à détruire, mais ça pourrait être pire, donc on va encourager ça, on va continuer à détruire la nature, mais ça aurait pu être pire, enfin, ça n'a aucun sens. Donc nous, on part du principe que... c'est pas un degré de radicalité, c'est pas une question, ah oui, il est trop radical, ça va pas... En fait, cette accusation de trop radical, par exemple, on verrait bien que c'est absurde si on remplaçait radical par honnête, tu vois. Ah, il est trop honnête, tu vois. Non, on préfère les gens un peu malhonnêtes, tu vois. Et non, ce serait débile. Enfin, on dirait, non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et donc, voilà, nous, c'est juste que c'est pas un degré, c'est pas une course à la radicalité, c'est pas une course à la radicalité, c'est pas un concours de radicalité, c'est juste essayer d'être cohérent, quoi. Et essayer de dire des choses vraies. Si tu dis que c'est des énergies vertes, est-ce qu'elles sont vraiment vertes ? On va regarder, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pas vert, donc arrête de dire que c'est vert, etc. Et donc, c'est juste voilà, c'est ce principe-là. Donc, défendre la nature de manière cohérente. Donc, quand on veut faire ça de manière cohérente, on se rend compte qu'en fait, on peut plus cautionner, on peut plus encourager aucune industrie. Toutes les industries sont nuisibles pour la planète, y compris les industries de production d'énergie prétendument verte, renouvelable ou décarbonée, ou les industries de production de technologies prétendument vertes, comme les véhicules électriques, ce genre de choses, ou même le Fairphone, le Fairphone téléphone équitable. Enfin, c'est tellement ridicule, ce truc. Il y avait une interview du président, je crois, du PDG de Fairphone, qui disait que, de toute façon, ils n'arrivaient pas... Enfin bon, non, il faudrait savoir que le Fairphone, pour fabriquer leur téléphone, ils encouragent l'industrie minière. Alors, ils essayent de dire qu'ils encouragent l'industrie minière artisanale. C'est bien, c'est mignon, sachant qu'il y a eu un rapport récemment qui expliquait que l'industrie minière artisanale faisait des dégâts peut-être pires que l'industrie minière normale. Enfin, bref, et en plus, c'est une catastrophe pour les conditions de travail. C'est l'horreur, l'industrie minière, même artisanale, c'est l'horreur. Et ça détruit la nature, donc il n'y a rien d'écologique là-dedans. Et puis en plus, complexité oblige de la civilisation industrielle, le PDG expliquait que de toute façon, ils n'arrivent pas à bien tracer, sourcer tous leurs matériaux, ils ne savent pas vraiment d'où ça vient, où ça traitait, donc bref, c'est n'importe quoi. Donc on se rend compte, quand on veut défendre la nature de manière cohérente, qu'on peut encourager aucune industrie. Et voilà, donc c'est simple, c'est juste comprendre qu'est-ce qui doit être fait pour arrêter la destruction de la nature. Il faut sortir de la civilisation industrielle, il faut sortir de l'industrialisme, et enfin il faut donc désindustrialiser, il faut arrêter avec il n'y a pas d'industrie verte, en fait. Mais ça, tu comprends bien que c'est pas réalisable dans le monde dans lequel on est, quoi, d'arrêter les industries alors que tout fonctionne là-dessus. C'est quelque chose qui est tout à fait inenvisageable. Tous les intérêts dominants, c'est des choses qui n'accepteront jamais, c'est des idées qui tiennent surtout à ce qu'elles ne se répandent pas du tout jamais. Donc c'est pour ça que nous, on a moins... c'est une des raisons pour lesquelles on a moins accès à... On nous donne moins la parole dans les médias de masse, à nous, je dis nous, ça peut être primitiviste, ludite... Moins, mais je trouve pas du tout. Oui, pas du tout. Oui, chaque fois que j'allume, j'entends jamais ce discours-là, quoi. Oui. C'est pour ça que je t'ai jamais entendu. Enfin, je comprends pas pourquoi on va pas plus non plus t'interviewer, parce que ce que tu racontes va à l'encontre de justement cette pensée dominante, quoi. C'est ça aussi qui est étonnant. Mais... Bah, du coup, c'est pas étonnant. Du coup, comme tu le remarques toi-même, si ça va à l'encontre de la pensée dominante, c'est normal qu'on nous entende pas dans les médias dominants. Oui, mais ils font croire quand même à la pluralité des idées. Tu vois ce que je veux dire ? Mais enfin, on l'entend pas. Mais quoi ? Du coup, on arrête les industries. Comment et la suite ? Tu vois, comment tu verrais ça ? La suite de ça ? On revient à une vie plus simple, évidemment, mais... En un sens, oui, mais en même temps, encore une fois, y a, ça c'est un truc que des fois on place dans notre bouche alors qu'on le dit jamais. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible de plein de manières. En fait, la planète, elle est polluée et il y a plein de choses qui sont irréversibles. Donc, malheureusement, on aimerait bien. Moi, je serais le premier à souhaiter si seulement on pouvait revenir dans le temps, ce serait vraiment super, mais on ne peut pas. Et donc, d'une certaine manière, ouais, dans l'idéal, ce qui devrait être fait, mais ce qui sera évidemment jamais fait, mais c'est renouer plutôt qu'un retour en arrière, c'est le fait de renouer avec des modes de vie beaucoup plus sobres technologiquement, Et plus fondamentalement encore, renouer avec des types de sociétés qui sont à échelle humaine, en fait, des sociétés dans lesquelles l'individu peut avoir une prise sur la manière dont cette société est organisée, en fait, parce que ce qui caractérise la société de masse, les sociétés industrielles modernes, la société industrielle moderne, c'est que l'individu, il est totalement dépossédé politiquement, il a quasiment aucun pouvoir, il est quasiment totalement impuissant face à la marche des choses. Et des sociétés dans lesquelles l'individu peut avoir vraiment de l'influence et peut participer lui-même à l'élaboration des règles qui régissent cette société, bah, c'est des sociétés à taille humaine, donc enfin beaucoup plus petites. C'est le principe. C'est un principe assez élémentaire qui est connu depuis des millénaires, en fait. C'était un principe qui a été énoncé par des gens comme, enfin, beaucoup de philosophes politiques l'ont souligné, des gens comme Rousseau qui disaient que, en fait, la condition première de la démocratie, c'est un État de petite taille, ou dans son projet de constitution pour la Corse, il écrivait que la démocratie est un type de régime politique qui sied à une petite commune, mais pas à une nation. Dès qu'on doit organiser des millions de gens, le type de régime politique change forcément. Il y a délégation du pouvoir, il y a représentation. Et en fait, du coup, on passe de la Le régime, le gouvernement représentatif qu'on a aujourd'hui, c'est quasiment le contraire de la démocratie. C'était l'abbé Sieyès qui a fait un discours très, très, très connu en 1789, dans lequel il expliquait que, en fait, vu que la France est un État qui comprend des millions de gens, des millions de gens ne peuvent pas s'assembler ensemble et discuter, donc il doit y avoir représentation, donc... On passe à un type de gouvernement représentatif et on quitte la démocratie. En fait, on n'est pas en démocratie. C'est pas possible de faire démocratie à des millions. Donc on passe au type de au gouvernement représentatif que Rousseau qualifiait de aristocratie élective et qui est bien mieux qualifié comme ça. Et donc bref, voilà. Donc dans l'idéal, revenir à des sociétés à taille humaine, donc dans lesquelles la démocratie aurait une chance d'exister, en tout cas potentiellement. Donc des sociétés non industrielles avec qui reposeraient sur des technologies, qui utiliseraient exclusivement des technologies, on va dire, artisanales ou des basses technologies. Ça existe ? Parce que je fais un petit peu la remarque, parce que tu dis d'une main que ça n'existe pas. Ça a existé pendant des milliers. Ça n'existe pas, la technologie, Tu te rappelles au début de notre conversation, dis, tu critiques les gens qui font croire que ce serait possible de faire. Et tu tiens aussi ce discours-là dans la solution, tu vois, c'est là que je comprends pas, parce que. Ou alors tu fais comprendre qu'en fait tout est déjà là, cette merde est déjà là pour faire marcher techniquement les choses, tu vois, les câbles tirés, Internet, et que tu aurais l'air de dire, bon, ben, puisque c'est déjà là, faisons les choses, c'est ça que je comprends, moi. Non, quand je dis qu'on doit. Dans l'idéal, il faudrait qu'on en revienne à des sociétés de petite taille à échelle humaine. C'est des sociétés qui seraient. Enfin, sur le plan technologique, elles seraient rudimentaires. Enfin, elles seraient du type. Enfin, de, de type pré-industriel, quoi. Enfin, un peu, si tu veux, ce serait, pour caricaturer à l'extrême, ce serait un retour à l'âge de pierre. Mais donc, non, il n'y aurait pas de technologie, on ne pourrait plus. La technologie dans le sens des technologies. C'est dur à le dire. Hein. Pardon ? C'est dur à dire. Hein. c'est un sujet. Le problème, c'est que technologie, c'est un mot qui est pas clair, parce que dans la définition du Larousse, c'est un mot qui englobe tous les outils existants, tous les matériaux existants dans l'artisanat comme dans l'industrie. Donc, nous, quand on dit qu'on pense qu'il faut renoncer à la technologie, qu'on va devoir détechnologiser les sociétés humaines, c'est pas renoncer à tous les outils, à la fabrication de n'importe quel outil, et qu'il y aura plus d'outils, plus de techniques, plus rien. Bah, un outil, pour qu'on comprenne, parce que là on s'égare, un outil c'est un marteau, un outil c'est des choses comme ça. Après, la technique, la technologie, c'est encore... Tu l'as défini comment, toi ? Bah, en fait, le truc, c'est que ça dépend. Effectivement, si tu te bases sur la définition la plus courante de technologie qui considère que tout est... Enfin, n'importe quel outil est une technologie, c'est-à-dire que le morceau de silex, c'est une technologie du même type que la centrale nucléaire. Bah, admettons qu'on peut contester cette définition, mais comme c'est la plus courante, la plus commune, la plupart des gens croient ça, pourquoi pas ? Partons du principe que tout ça, c'est des technologies. On peut. L'autre solution, ce serait de dire que non. Mais partons de ce principe-là. Dans ce cas-là, on peut quand même faire une distinction entre... C'est ce que faisait plus ou moins Lewis Mumford en disant qu'il y avait des techniques autoritaires et des techniques démocratiques. On pourrait dire qu'il y a des... On pourrait juste changer en disant qu'il y a des technologies autoritaires et des technologies démocratiques, en tout cas potentiellement. Et c'est quoi exactement les technologies ? Ouais. Ben en fait, les technologies autoritaires, c'est les technologies qui ont dans leurs exigences, on va dire, qui impliquent sur le plan social, une forme d'organisation sociale qui est autoritaire, parce que en fait leur complexité est telle que forcément elles ont besoin d'hierarchie sociale, parce qu'elles reposent sur une très importante division et spécialisation du travail. Donc il faut former des gens, donc il faut des ingénieurs, donc il faut ça. Donc toute cette complexité fait que ça appelle en fait une forme de société qui sera autoritaire. En fait, Mumford fait cette distinction en disant que les technologies démocratiques, disons, elles existent depuis quasiment la nuit des temps. Les technologies démocratiques, c'est les technologies les plus simples, celles qui existaient à la préhistoire, dans les premiers villages, au début du néolithique. Et par contre, les technologies autoritaires, c'est le type de technologies qui naissent avec la civilisation, avec la formation de sociétés beaucoup plus vastes, qui comprennent des populations très, très importantes et qui sont lourdement stratifiées sur le plan social. Et voilà. Et donc, ces types de sociétés vont produire un certain type de technologie. En fait, ça devrait être un peu évident comme distinction. Une tribu qui vit au fin fond de l'Amazonie, elle ne peut pas s'organiser de manière à avoir une industrie pour produire des bombes atomiques. C'est pas possible. Ça devrait être évident, la raison pour laquelle, alors qu'un vaste État comme les États-Unis, une société, les États-nations, enfin un grand État-nation contemporain, dans lequel il y a une qui repose du coup sur une hiérarchie, qui repose sur un système de gouvernants et de gouvernés, etc. Dans une telle configuration sociale, là, on peut avoir des industries, on peut avoir etc. Donc en fait, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais après, c'est chouette de rentrer plus dans des choses concrètes pour qu'on comprenne, quoi. Donc, en fait, pour changer, puisque toi, j'en reviens, hein, pour qu'on se comprenne, donc toi, t'es très critique par rapport à tout ce qui se fait, tatati, tatata, moi, je comprends bien. Mais alors, du coup, comment est-ce que tu vois les choses ? Tu disais, les industries, on arrête ça, très bien. La technologie, on la fait sobre. Et c'est là que j'essaye de comprendre, mais quoi, de quelle technologie tu parles, au fond c'est ça pour bien comprendre, quoi. Ça veut dire qu'on arrête avec nos téléphones, on arrête de produire des matériaux rares qu'on amène de très loin. Comment est-ce que tu verrais les choses, quoi? Comment est-ce que tu vois les choses? Tu y as déjà pensé, j'imagine. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que tu me demandes aussi tu me demandes d'être très précis sur la limite. Qu'est-ce qu'on utilisera comme technologie et qu'est-ce qu'on n'utilisera pas. Oui, parce que c'est j'ai envie de voir le monde dans lequel on est. Tu vois, toi et moi, on est dans le même monde. De voir comment est-ce qu'on mettrait les choses en place aujourd'hui? Ok, on est très critique avec ce qui se passe, mais du coup, tu verrais les choses comment par rapport à tout ça, toutes ces méga machines, comment parce que évidemment, on a vécu autrement pendant plein d'années et il y a des preuves que ça roulait, quoi, tu vois. Donc ça, c'est plus à démontrer, mais quoi, on attend que tout s'effondre. Comment ça se passe? Comment tu vois le truc, quoi? Non, effectivement, moi, c'est sûr que c'est la question. Là, c'est la question. Mais moi, un examen, j'ai envie de dire, si je dois être le plus honnête possible, la situation présente telle qu'elle est, telle qu'elle évolue, moi, ça m'amène à penser que c'est pas ça vaut pas le coup d'essayer de se pencher sur un programme. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de la société industrielle? Il faut commencer par ça, on va commencer par cette industrie ou quoi, quelque chose comme ça. Mais par quoi exactement? Non, mais moi justement, je pense que c'est pas intéressant de faire ce genre de programme, en fait, parce que c'est pas réaliste. Si tu veux, pour moi, il est assez peu réaliste de penser que pour moi, il est assez peu réaliste de penser qu'il y aura une sortie de la société industrielle ou du capitalisme. Pour moi, c'est la même chose. Qu'il y aura une sortie de la société industrielle qui va se faire de manière volontaire et organisée, en fait. Pour moi, ça n'arrivera jamais. Enfin, il n'y a quasiment aucune chance pour que ça arrive. Et le pire, c'est que... Enfin, pour que ça arrive de manière volontaire et organisée, pour qu'il y ait une sorte de pour que les institutions telles qu'elles existent actuellement, tous les gens qui y travaillent décident d'impulser le démantèlement. Enfin, ils vont pas. Enfin, ces gens-là et ces institutions-là ne se tireront pas une balle dans le pied. Ils vont pas se suicider. Et le fait est que les discours technocritiques comme le mien, comme plein de gens, enfin pas plein de gens, non, mais comme un certain nombre de gens en tiennent. Si on les entend pas, si on les entend nulle part, c'est pas pour rien et ça va pas changer du jour au lendemain. Et il y a pas, il y a aucune chance pour que, je sais pas, d'ici une décennie ou deux, on se retrouve avec une majorité de la population française qui est anti-industrielle et technocritique. Ça n'arrivera jamais. Il faut être réaliste et donc ça n'arrivera pas. Donc à partir du moment où ça n'arrivera pas, où il y aura pas on comprend qu'il y aura pas de sortie organisée, il y aura pas de démantèlement volontaire et organisé de la société industrielle. Il faut envisager d'autres choses. Comment faire pour parce que déjà il y a aussi la question du temps qui presse. On peut pas attendre que la sixième extinction de masse soit finie pour agir. Ce sera trop tard. Donc c'est ce qui amène par exemple une organisation comme Deep Green Resistance dont je fais partie. Enfin, j'ai participé à créer la branche française. C'est ce qui pousse, en fait, c'est la raison pour laquelle existent des organisations comme Deep Green Resistance qui militent en fait pour faire, comment on pourrait dire brièvement, pour qu'il y ait un mouvement d'écologistes radicaux qui se crée, un mouvement d'écologie radicale qui n'a pas besoin d'être massif, d'être constitué d'une majorité de la population, mais juste d'être constitué d'un minimum d'individus suffisamment motivés pour perturber, on va dire, l'économie industrielle et d'une certaine manière lui forcer la main précipiter son effondrement, on va dire. L'idée, c'est d'encourager tout ce qui est éco-sabotage en défense de la nature, donc faire tout ce qui peut être fait pour mettre un terme à la destruction de la nature. Employer tous les moyens qui sont à notre disposition. Ça peut être, tu peux essayer de les moyens légaux, juridiques, si jamais tu as l'opportunité, qu'il y a une chance. Mais sinon, ça peut être, encore une fois, le sabotage pur et simple d'une zone industrielle, comme on voit en France, sinon d'une antenne 5G, enfin ce genre de choses. Perturber le développement de l'industrie, forcer, comme on peut. Après, au final, c'est quelque chose que beaucoup de gens jugeront ça aussi irréaliste, mais De péter la machine. Ouais. De péter les machines. En gros, c'est une manière de parler. De faire effondrer la civilisation industrielle. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça irréaliste. Mais au final, malheureusement, ça a beau être une sorte de... comment dire, d'idées un peu désespérées, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus, malheureusement, de plus réaliste aujourd'hui pour ceux qui sont vraiment préoccupés par le sort de la nature et la liberté. Et les humains aussi, parce qu'on nous prépare là un monde complètement fou, hein, avec cette technologie à outrance, là. Ouais, et j'ai entendu en France, oui, il y a des gens qui se sont mis à péter les antennes, il y a des gens qui font de la prison, voilà, et ça c'est une lutte claire et nette, quoi. Après, on n'entend pas beaucoup parler non plus de ces luttes-là précisément, hein, et je pense que c'est là qu'il faut être solidaire, il faut être plus, et il faut s'intéresser, parce que c'est quelque chose qui... Action, quoi, en fait. Ça, c'est une action... clair et net, quoi, en gros. Oui, oui, tout à fait. Mais effectivement, pour l'instant, malheureusement, en France, et c'est quelque chose qui devrait se développer. Nous, on encourage le développement de ça. Il n'y a pas vraiment de mouvement, on va dire, d'écologie radicale constituée, organisée et cohérent. Il y a, dans le domaine, on va dire, de l'écologie radicale ou dans le domaine de la critique anti-industrielle, il y a des groupes un peu épars ici et là qui font des choses des fois très très très très très très bonnes, mais il n'y a pas de fédération de ces oppositions qui pourtant sont partagent beaucoup de points communs, et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, qui devrait y avoir. On devrait essayer de former un front plus organisé et plus uni, j'espère que c'est ce... Nous, on aimerait que c'est ce qu'on essaye de pousser. On peut espérer que dans les prochaines années, c'est peut-être qu'on arrive à quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça se met en route, quoi. Après, j'imagine que quand tu vas péter les choses, là, les antennes et compagnie, ben, il ne faut pas que tu te fasses attraper non plus. Donc, on ne va pas en parler. Tu vois, on ne pourrait pas en parler comme ça, clairement. Mais pour que les gens entendent, c'est qu'il y a des gens qui ne laissent pas faire, quoi. Il y a des gens... voilà, moi, j'ai entendu plusieurs témoignages comme ça. Tu comprends, de gens qui pètent les choses, quoi, qui se retrouvent en tôle, voilà, où c'est bien compliqué pour eux. C'est bien compliqué. Après, il y a même récemment, il y a eu un truc assez significatif aussi. Il y a eu, alors il me semble que c'était, il y a eu un sabotage d'une usine de composants électroniques. Je ne sais plus si c'est des puces. C'était en France. Et malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est que suite à ce sabotage, les syndicats, je crois que c'était la CGT et un autre, se sont prononcés contre ce sabotage. Tu vois, ils ont dit, ah, c'est pas bien, machin. Il fallait en parler avec les travailleurs de l'usine. C'est pas sympa. Et puis de toute façon, en fait, la fin du communiqué, ça dit qu'en fait, de toute façon. Nous, de la CGT, tout ça, machin, on n'envisage pas de faire fermer cette industrie, on veut juste l'autogérer, la collectiviser, je ne sais pas trop. Et donc, il y a toujours, au final, que les syndicats en soient encore là aujourd'hui, c'est assez mauvais signe. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, la gauche, il y a un petit milieu anti-industriel qui existe. Je sais pas s'il se développe vraiment, peut-être qu'il se développe un petit peu, mais au regard de tout le reste, c'est pas forcément très significatif. Je sais pas, c'est compliqué. Après, quand tu vois que l'histoire, quand tu regardes l'histoire de la lutte anti-industrielle, de la lutte contre la. Enfin, c'est une vieille histoire, hein. Ça date pas d'hier. Quand tu vois c'est pareil. Une autre chose dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler, et c'est pas un hasard. On pourrait mentionner les anarchistes naturiens. Déjà, quand les gens ont entendu parler de l'anarchisme, tout court, c'est déjà une sorte de petit miracle. Quand ils n'associent pas ça à des gens qui tuent des gens ou à des poseurs de bombes, c'est déjà un autre miracle. Mais alors, les anarchistes naturiens, bon, personne ne les connaît. Et pourtant, c'était des gens qui, à la fin du 19e et au début du 20e, énonçaient tout haut des choses qui, aujourd'hui, pourraient passer pour des sortes de prophéties, parce que... déjà, ils comprenaient tout ce que tous les dégâts que l'industrie commençait à causer et allait causer. Ils avaient d'une certaine manière, il y a une citation, je ne sais plus exactement, mais qui anticipe le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. Il y a une autre, il y a une citation, je crois que c'est Émile Gravel, dans laquelle il explique que la lumière artificielle, c'était une époque où l'électricité existait à peine, enfin, il y avait quasiment rien. Et pourtant, il y a cette phrase où il dit que la lumière artificielle va nous détraquer le système nerveux. Aujourd'hui, on sait que c'est exactement ce qui se passe avec la lumière bleue, la lumière artificielle, le cycle circadien, etc., les rythmes biologiques de l'être humain qui sont perturbés. Enfin, il y a ces gens-là, donc ces gens-là, ils disaient des choses qui sont, enfin, aujourd'hui, en les lisant, on peut constater que c'est des choses qui étaient vraiment des grandes vérités, des choses qui sont encore vraies aujourd'hui, et c'était il y a 150 ans. Et enfin, il y a 120, 130 ans. Et on pourrait remonter au-delà de ça. Il y avait les ludites avant eux. Donc, ouais, l'histoire de la lutte anti-industrielle, enfin, encore une fois, il s'agit d'être. Nous, on essaye d'être honnête et d'être réaliste. Et on va pas mentir en disant qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se crée. Non, c'est pas. Enfin, moi, pour l'instant, il me semble pas qu'il y ait une dynamique particulière au regard du passé. Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Non, non, pas au regard du passé, mais au regard du présent. J'imagine avec le Covid, tu vois, il y a peut-être quelque chose quand même qui se passe, peut-être un peu plus grande que simplement les gens qui pouvaient être contre l'industrie, qui est minoritaire, tu vois. Avec la 5G, tu vois, le monde qu'on nous prépare, j'ai l'impression que ça s'ouvre, voilà. Après, je ne sais pas si les gens sont vraiment... Le truc avec le Covid et tout ça, c'est que d'un côté, il y a un peu ce phénomène que tu... Et je suis d'accord avec toi, mais de l'autre, c'est quelque chose... Enfin, les oppositions à la 5G, les oppositions à la société industrielle, on va dire, ou à l'industrie, enfin, ou en tout cas des parties de l'industrie qu'on remarque, qui sont liées un peu avec, enfin, qui sont issues de la suite du Covid, tout ça, c'est des choses qui sont très confuses et qui parfois versent carrément dans le complotisme, des trucs qui sont vraiment, enfin, qui sont absurdes et puis pas du tout réfléchis. Enfin, c'est comme l'opposition à la 5G. Il y a beaucoup de groupes technocritiques qui s'opposent à la 5G, mais pour de bonnes raisons, mais qui en fait, ils s'opposent pas juste à la 5G. En fait, ils s'opposent au développement de la 5G, mais comme une sorte de symbole, parce qu'en fait, ils s'opposent à toute la société industrielle, donc ils s'opposent aussi à la 4G, la 3G, etc. Malheureusement, il y a aussi une partie des gens qui aujourd'hui... sont un peu critiques de la 5G. Quand c'est pas de la pure conspiration, genre la 5G, ça va nous servir à nous manipuler, à faire de nous c'est de la manipulation mentale, on va faire de nous des esclaves, je sais pas quoi. Quand c'est pas du pur complotisme, ça peut être aussi de l'opposition très superficielle, du style ouais, en fait on est opposé à la 5G, mais la 4G ça nous va, quoi. Et en fait non, enfin. Ouais, moi je prends un peu la défense de ces gens. Hein. Mais c'est un degré là où les gens ne suivent plus, quoi. Ils veulent pas, tu vois. Il y a les compteurs Linky aussi, il y a tout ça. Tu sens qu'il y a quand même un espèce de mouvement qui se réveille par rapport à cette technologie, quoi. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est bien, de toute façon, ces oppositions au développement, à la continuation du développement technologique, que ce soit opposition à la 5G ou à Linky, c'est bien. On est d'accord, hein. C'est mieux que des gens qui disent c'est super la 5G, c'est super Linky, mais voilà, c'est vrai qu'il faudrait du coup approfondir ces oppositions, ces questionnements, pour pouvoir aller au-delà de la 5G ensuite, pour pouvoir comprendre que là, le problème c'est pas juste la 5G, c'est en fait la 4, la 3, la 2, la 1, et en fait c'était le télégraphe, et en fait c'était toute la société industrielle. Peut-être que voilà, ça monte tellement en haut que là, voilà, ça pourrait... parce qu'on nous prépare aussi un monde à la chinoise, tu vois, il y a des gens, ils sont là, non, non, là ça va trop loin, quoi, tu vois. Ouais. Mais comme tu dis, en effet, ils se sont pas bougés pour la 1, 2, 3, 4G, mais peut-être qu'à un moment... Tu vois, on ne connaît pas l'avenir, quoi. Ouais. Oui, on est d'accord que il y a des gens qui effectivement misent un peu là-dessus, sur le fait que les conditions actuelles ne permettent pas la formation ou l'avènement d'un mouvement anti-industriel suffisamment conséquent. Mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura peut-être qu'effectivement, avec Avec la continuation du chaos, du désastre social et écologique, peut-être que d'ici quelques années, les conditions seront plus propices à la formation, à l'avènement d'un mouvement comme ça. C'est sûr qu'on, enfin voilà, encore une fois, l'avenir. Moi, je suis d'accord avec. C'est important de rappeler que l'avenir n'est pas écrit parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui aujourd'hui font un peu leur fonds de commerce sur de la prévision type Nostradamus avec entre les effondrologues qui sont là à nous dire que tout va s'effondrer, ou il y en a plein qui font là, il y a aussi les fatalistes qui disent que de toute façon tout va continuer jusqu'à on sait pas de quoi, ou qu'il y a rien à faire, ou que il y a plein de gens qui ont leur théorie là, un peu fataliste sur l'avenir, et c'est non, effectivement, on sait pas le futur, on sait pas, déjà on sait pas quel temps il fera après-demain, donc enfin bon, la météo se plante souvent au-delà de 2 ou 3 jours, donc bon, je pense qu'au-delà de ça on peut pas, ouais. C'est dingue parce qu'on arrive déjà à la fin là. Tu vois un truc important que tu as envie de dire qu'on n'a pas abordé, tu vois, je sais pas, il reste allez 3 minutes. Non, juste voilà, toujours rappeler aux gens que c'est important d'essayer d'aller au fond des choses et que en fait on peut pas être trop radical, ça n'existe pas, comme on peut pas être trop honnête, c'est juste est-ce qu'on est allé au fond des choses ou pas. Et c'est tout. Et c'est toujours important d'aller au fond des choses, sinon on se trompe. Oui, et puis moi j'ai envie aussi de dire ça parce que tu parles de la nature, mais de toute façon dans tes écrits, tu le dis aussi beaucoup de fois, tu parles aussi de l'humain, quoi, tu vois, qu'il est dans des conditions horribles, quoi, parce qu'il y a la nature, mais l'humain fait partie de la nature, et dans quel état il est, dans quel état est la nature, dans quel état est l'humain. Ça va ensemble, tout ça, quoi. C'est, voilà. Totalement, mais encore une fois, c'est les deux versants, nature et liberté, et ça s'applique aux humains comme aux autres espèces, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous différencie de pas mal d'organisations, de mouvements contemporains, c'est que nous, on ne se soucie pas juste... Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de souci pour... on remarque dans pas mal de... Enfin, en fait, dans la société industrielle, il y a une sorte d'idolâtrie qui existe de l'humanité, mais l'humanité abstraite en termes de nombre d'individus, tu vois, c'est un peu le genre d'idée qui va favoriser l'idée qu'il faut tout faire pour préserver, pour qu'on soit toujours plus nombreux et pour préserver le plus de vie humaine de manière abstraite comme ça. Nous, on insiste moins sur le côté quantitatif de la vie humaine, plus sur le côté qualitatif. Quel genre de vie, qu'est-ce que c'est une vie digne, qu'est-ce que c'est une vie libre. Et c'est pour ça qu'on insiste plus là-dessus. Et je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui aujourd'hui... cet aspect qualitatif est beaucoup trop occulté au profit d'une abstraction quantitative qui nous encourage juste à être toujours plus nombreux ou toujours aussi nombreux dans cette société dystopique, et ça devrait pas du tout être un objectif. Merci Nicolas Cazot, et les chiens et tout ça. Merci à toi.